Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Hormis l'admiration qu'il partageait pour l'œuvre de Proust, que l'un avait bien connue quand l'autre à sa mort n'avait qu'un an, qu'avaient donc en commun Paul Morand et Jacques Perry? A priori, pas grand-chose, sinon d'avoir été réunis en 1971 dans l'émission « Les mots-clés » où ils étaient invités à réagir aux mots et aux noms propres que leur soumettait Pierre Lost. En homme pressé, Paul Morand formulait de très lapidaires réponses, alors que Jacques Perry prenait en douceur le temps d'être précis et hésitant. Nous nous garderons bien, en trop peu de mots, d'évoquer ici leurs talents respectifs d'écrivain. Pour le reste, l'histoire jugera, comme on dit, elle l'a d'ailleurs déjà fait. Qui a écrit pour les PD comme les Juifs, quand on en connaît un, on les connaît tous. Qui écrivait à son ami Chardonne en 1961 « Tout ce que vous dites de la société littéraire française n'étant plus un univers littéraire est vrai et original. Cela aurait continué en France si nous étions restés occupés par les Allemands. Nous les aurions dévorés, comme les Grecs, les Romains, en moins de 10 ans, et ils nous auraient conservé notre empire colonial, on l'aurait gardé pour eux, ce qui valait mieux que de le donner aux nègres. » Qui a écrit cela? Ce n'est bien sûr pas Jacques Perry, dont le voisinage radiophonique avec le brillant et très antisémite ex-ambassadeur du régime de Vichy à Bucarest en 1942 puis à Berne en 1944 ne pouvait être dû le 19 avril 1971 qu'aux aléas, parfois malencontreux, de la programmation. Paul Morand d'une part, Jacques Perry d'autre part, dans Les mots-clés en 1971 sur France Culture. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à deux personnalités littéraires, Paul Morand de l'Académie française et Jacques Perry. Paul Morand, le grand auteur de Lévis et Irène, vient de publier chez Gallimard un nouvel ouvrage qui porte comme titre Venise, Venise avec un S final. Jacques Perry, lui, est l'auteur de « L'amour de rien »,« Le mouton noir »,« La vie d'un païen »,« La liberté en croupe », etc. Comme à l'accoutumée, je vais proposer, en ordre, si j'ose dire, dispersé, à nos deux invités un certain nombre de mots ou de noms et leur demander ce que chacun de ceux-ci leur suggère immédiatement. Nous allons commencer avec Paul Morand. Lorsque je prononce devant vous le mot « vitesse », qu'est-ce que cela évoque? Oh ben ça dépend, si je suis dans un état d'esprit contrariant, ça évoque la lenteur. Vous comprenez, c'est très dangereux vos mots-clés, parce que pour des natures un peu introverties, ça déclenche le mouvement en sens contraire. Essayons tout de même la Normandie. Pommier en fleurs, Proust. La poésie. L'univers, la toile de fond sur laquelle se déroule la vie universelle. La vérité. C'est un puits d'où ne sort jamais personne. L'automobile. L'immobilité. Londres. Des fumées qui n'existent plus. L'humour. La pudeur. Jacques Chardonne. Son portrait physique. Ses grandes moustaches. Ses fleurs, son jardin de la frette, le papier quadrillé où je recevais une lettre tous les matins. La Suisse. La Suisse, c'est bien 25 ans de ma vie. Jean Cocteau. Quelqu'un qui court devant la locomotive. Le soleil. La première raison de vivre. La Tour Eiffel. Ma nourrice. Le tiercé. Quelque chose que je ne toucherai jamais. La peur. Il y a mille sortes de peurs. Eh bien, c'est l'enveloppe de la vie contemporaine. Le cheval. C'est un animal dont je rêve, mais sur lequel je ne monte plus. Le dictionnaire de l'Académie française. Le travail amusant du jeudi. Le cinéma. Le pain quotidien. Le champagne. Le champagne. Le champagne, eh bien, le médecin. La diplomatie. Les mauvais rapports entre les peuples. La gloire. C'est un mot qui a disparu depuis le XVIIe siècle. La nuit. C'est le jour des nègres. Bucarest. Ah bien, l'Europe cadenassée. Le sport. L'oxygène. Jean Giraudoux. Un poète de tous les instants. L'argent. C'est quelque chose de perdu quand on l'a à la banque et de gagné quand on l'a dans sa poche. Paris. Paris. Une petite ville de province. D'Annunzio. La lyre de ma 15e année. New York. L'enfer. Sarah Bernard. Violette de Parme. La magie. C'est hallucinant. La religion des incroyants. Fouquet. Un homme par terre, un grand homme par terre. Rome. La ville où je serai après-demain. Marcel Proust. L'auteur où je suis toujours. Les hippies. Des camarades. La superstition. La religion des masses. Pierre Reverdy. Un grand poète trop peu connu. Gobineau. Un vieux monsieur qui raconte des histoires d'après-dîner appuyé à la cheminée. Le bœuf sur le toit. Darius Milhaud. La Méditerranée. Une piscine dans laquelle je ne peux plus me baigner sans demander la permission à la flotte russe et à la flotte américaine. L'Académie française. Le plus agréable des clubs. 1900. L'ouverture sur le monde. 1917. Une année tragique, l'année la plus tragique du XXe siècle. 1925. Le moment de quitter Paris. Ou pour moi, le moment de quitter Paris. 1971. Une très belle année pour notre conversation. 2000. Je me réjouis de ne plus y être. La rue Marbeuf. La campagne devenue New York. Paul Claudel. Un franc buveur. La danse. Non, les danseuses. Rimbaud. Le début d'un grand règne poétique. Diaghilev. L'invasion russe. Aristide Briand. Un paresseux génie. Saint John Perse. Le désert de Gobi. Charles de Bestégui. Un monde disparu. Philippe Berthelot. Un ami et un père. Jules Verne. Mes premiers voyages. Marcel Schwab. Le premier morphinomane que j'ai rencontré. Venise. Gallimard. Mozart. Que peut-on dire de Mozart de plus joli que ce qu'a dit Giraudoux, la boîte à musique du bon Dieu ? Votre légende veut que vous ne travailliez jamais, mais que vous produisiez beaucoup. Quel est votre secret ? Où, comment et comment travaillez-vous ? Je ne peux pas répondre à la légende. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est vraie. Je n'ai pas de table de travail. Il m'arrive de travailler la nuit, de lire la nuit, pendant un court réveil. Mais dans la journée, je travaille rarement. Vous n'êtes donc pas un écrivain de cabinet ? Je ne suis pas un écrivain de cabinet, je suis un écrivain de plein air, mais le plein air et le vent emportent les feuillets. Quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune qui voudrait vous lire pour la première fois ? Je lui conseillerais de commencer par la fin, par l'histoire, par les anthologies qui résument mes dernières œuvres, et celle qui me semble plus adaptée à l'époque, et ensuite de remonter dans le commencement de ma carrière, qui serait pour eux de l'histoire. Et personnellement, quel est le livre de vous pour lequel vous avez le plus de tendresse ? Le livre sur Fouquet, qui est d'ailleurs qui n'a pas eu grand succès, mais qui est, je crois, un de mes moins mauvais livres, Le flagellant de Séville, et puis également Fermer la nuit, qui est supérieur à Ouvert la nuit, qui a eu plus de succès. Quels ont été les étonnements de votre vie ? Les étonnements de ma vie, les étonnements physiques ou moraux. Les étonnements physiques, c'est certainement, comme tout le monde, l'entrée à New York, la première fois que j'ai vu New York. Les premiers brouillards de Londres, la rencontre du désert. Et les étonnements moraux ? Les étonnements moraux. Oh bien, je ne sais pas si c'est l'influence de Chateaubriand, mais c'est certainement Venise et la campagne de Rome. Quels sont les écrivains contemporains et quels sont les écrivains du passé avec lesquels vous vous sentez des affinités réelles ? C'est très difficile à dire, ça demanderait un long développement, parce que je suis né et j'ai été élevé dans l'époque de très mauvais goût et des influences de très mauvais goût sur moi, j'en ai eu certainement, surtout à la fin du 19e siècle. Maintenant, ceux que je préfère, et c'est certainement Chateaubriand, Montaigne, Rez, Rabelais. Et parmi les contemporains ? Je relis rarement, à part Proust, des contemporains. Vous l'avez lu combien de fois, Proust ? Oh, je l'ai lu 5 ou 6 fois. Maintenant, on dit toujours qu'on relit. C'est très long de relire. J'ai essayé de relire Balzac, je l'ai relu d'ailleurs, en 44. Mais ça m'a pris 3 mois à 8 heures par jour. Alors quand une dame dit « je connais bien mon Balzac », je souris. Je voudrais vous demander, et si vous croyez à l'avenir de la race blanche ? Non, je n'y crois pas beaucoup. Je crois que ses chances sont derrière elle. Et à quel avenir croyez-vous ? Au mélange, au café au lait. Et selon vous, quel est le trait commun des hommes ? C'est le complexe d'infériorité. Je crois que c'est à la base de toutes les révolutions du globe. La faim ou le complexe d'infériorité. Quel est votre goût profond dans la vie ? Vous savez, on a changé 5 ou 6 fois au cours d'une longue existence. Ce sont des stratifications et les goûts ne sont jamais les mêmes. Mais je crois que c'est l'oxygène que je préfère. Pourriez-vous vous définir vous-même en 15 secondes ? Qui suis-je ? Art figuratif, art abstrait. Ça, ce sont des querelles de marchands de tableaux. Dimanche. Oh, le dimanche a toujours été pour moi un jour haïssable. Je reste au coucher. Du temps de ma jeunesse, mes parents recevaient toujours le dimanche, ce qui fait que je ne sortais pas. Et le dimanche m'apparaît ce qu'il y a de pire au monde. La campagne française. Les contrées désertes, les forêts... Les forêts des environs de Paris, malgré la proximité, mais c'est tout de même incroyable de penser qu'à 3/4 d'heure de Paris, on court le cerf à Rambouillet, par exemple. La vérité. Oh, je crois qu'il n'y a pas de vérité. Je crois que Pirandello a raison, chacun sa vérité. La musique. Je suis très sensible à la musique. Je ne l'étais pas du tout dans la première partie de ma vie. Il ne me venait pas jamais à l'idée d'aller au concert. Et puis la musique est entrée comme par les moyens modernes de la télévision et de la radio et du disque. Et maintenant, j'aime énormément la musique. Tous mes amis musiciens, j'ai fait partie du groupe des 6 comme non-musiciens, mais enfin depuis le début et depuis 1920. Dernièrement encore, j'étais au lit de mort de ce pauvre Poulenc et je me rappelais le moment où il venait avec Ricardo Vignes, chez nos amis, chez les Daudet, chez les Hugo, chez les Godebski, nous jouer encore en permissionnaire. Il avait 20 ans, il y a de ça 43 ans. Mais la musique dont j'ai besoin, c'est la musique classique. Je n'ai pas du tout besoin de la musique moderne. J'ai aimé le jazz quand j'étais jeune, je l'ai en horreur. Je n'aime plus absolument que la musique classique. Et dans la musique classique, qu'aimez-vous particulièrement ? J'aime beaucoup Handel, et ça va jusqu'à Wagner. Jusqu'à Chausson, jusqu'à Brahms, et jusqu'à Debussy. Je veux dire, Debussy, c'est la fin. La montagne. Eh bien, c'est l'idée abstraite de la montagne, l'idée littéraire. Mais ça peut être aussi bien, si vous me donnez quelques secondes, les Andes que les Alpes. La création romanesque. Le pur hasard, je me promène à la Hofburg et je vois tout à coup le bain de pied de François Joseph. Je dis, il n'y avait pas de salle de bain. On me dit, non, il n'y avait pas de salle de bain. Je dis, comment ? Ou à Schönbrunn, il y a 2700 fenêtres et il n'y a pas une salle de bain. Non, la seule salle de bain a été mise par l'impératrice Elisabeth. Alors tout à coup m'est apparu ce contraste extraordinaire entre une personne d'aujourd'hui dans ce monde d'hier, qu'elle a fini d'ailleurs par détruire. Souvenir d'enfant. Mon plus ancien souvenir... Eh bien, ce sont des jeux de sauvages sous une table et sous le tapis de table qui me servait de tente. C'était déjà le voyage, comme vous voyez. La couleur. Le jaune. C'est la couleur impériale, russe, chinoise, et elle a, à mon avis, encore plus que le rouge, un éclat extraordinaire et bienfaisant. Le bonheur. Quand les gens sérieux demandaient à mon père ce qu'il ferait de moi plus tard, mon père répondait... J'en ferai un homme heureux. Eh bien, comme tout le monde, je n'ai pas été toujours heureux, mais je dois dire que j'ai tout sacrifié à la recherche du bonheur. Le travail souvent, les honneurs toujours, la vie sociale, généralement. Je crois avoir trouvé le bonheur dans la solitude, ou la presque solitude, dans le sport, dans les bains de soleil, et dans le contact avec la nature. Mais matériellement, me direz-vous, il est très difficile d'être heureux. Eh bien, ce qui compte, c'est l'indépendance. Je crois qu'être très pauvre ou être extrêmement riche, ça se ressemble beaucoup. Les soucis ne sont pas les mêmes, mais c'est la même quantité de soucis. Je crois qu'il faut savoir s'arrêter, ne pas donner trop d'argent au fisc, et vivre en réduisant, comme faisait toujours mon père. Il disait, c'est plus facile de ne pas gagner d'argent que d'en gagner trop. Il faut, à mon avis, savoir limiter ses besoins. C'est beaucoup plus facile que de les satisfaire. La langue française. Giraudoux disait que c'était ravissant. À mon avis, je ne peux pas vous en donner un, mais ce sont des mots, à mon avis, avec des nasales. Pour la bonne raison, c'est qu'aucun étranger ne peut prononcer les nasales françaises. Alors on se sent très français à l'intérieur des nasales. La mer, M-E-R. Oh, ça, c'est extrêmement profond, extrêmement intime. Je suis né sous le signe des poissons, et la mer est pour moi quelque chose de capital. Tout compte pour moi, d'ailleurs, et la mer, et la montagne, et le désert que j'adore, sauf la ville que je n'aime pas du tout. La mort. Je suis préoccupé, quelquefois angoissé, mais je lutte contre cette angoisse, car si je ne suis pas croyant, je suis déiste, et j'estime que les choses devraient se passer beaucoup plus facilement qu'on ne le dit dans les religions. Et maintenant, c'est à Jacques Péri de jouer. Jacques Péri, êtes-vous prêt ? L'enfance. L'enfance, malheureusement, quelque chose d'un peu gris, d'un peu long, avec des heures de classe qui n'en finissent pas, et des jours de congé que je voulais surtout passer loin de mes camarades, avec des livres ou des spectacles, c'est-à-dire à échapper. L'enfance, ce ne sont pas des jeux, parce que j'avais une sœur beaucoup plus âgée que moi, et j'étais toujours un peu seul. Et l'enfance, ce sont malheureusement des salles de classe et des salles d'études qui m'ennuyaient de plus en plus à mesure que j'avançais en âge. Le mot poésie. Le mot poésie, c'est faire. C'est vraiment le sens du mot. C'est une espèce d'explosion, c'est de la lumière, et c'est un peu, c'est la peinture de Kandinsky un peu, c'est-à-dire c'est la joie. Je dis ça parce que je l'ai vu hier. C'est la lumière, c'est la joie, ce sont des éclatements. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le nom Jules Ferry. Oh, Jules Ferry, ça a une grande barbe noire, c'est la réforme de l'enseignement, c'est Ferry-Tonquin. Vous voyez, ce sont rien que des choses scolaires qui arrivent comme ça, qui doivent être complètement fausses, parce que ça devait être un homme merveilleux. La chasse. La chasse, c'est une chose que j'aurais voulu faire. La chasse, c'est se promener derrière un chien et ne pas tirer. L'humour. Ah, l'humour, c'est tout. L'humour, c'est tout, c'est ne pas se prendre au sérieux. Et c'est en même temps un peu douloureux. C'est le retour sur soi, le rire sur soi, et c'est une chose essentielle. Le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'équilibre extrêmement difficile à trouver et que je recherche toujours, bien que le mot bonheur ait très mauvaise presse à notre époque. Je ne sais pas pourquoi. On est mal vu quand on cherche le bonheur et quand on a une religion du bonheur. J'ai une religion du bonheur et je voudrais que dans un livre, il y ait une exsudation de bonheur. Victor Hugo. Ah, c'est un grand bonhomme, merveilleux, qui pour moi est... C'est sa maison de Guernsey pour moi. J'ai visité cette maison étonnante. où tout est à sa place avec des choses étranges, un petit peu enfantines par moments, mais tellement géniales qu'on est obligé de respirer comme la mer tout autour de sa maison, et c'est cette grande verrière et ces feuilles. Oh, c'est cette chose que j'adore. Il y a un endroit où il mettait ses feuilles à sécher avec du sable et devant la mer. Ça, c'est très beau. La peur. La peur, je ne connais pas. Je connais l'angoisse, mais je ne connais pas la peur. Théophraste Renaudot. Ça, c'est un brave homme pour moi, parce qu'il m'a... Oui, enfin, ça, c'est tout à fait personnel, puisqu'il m'a couronné de façon très posthume, le pauvre homme. Et c'était, un grand journaliste qui a inventé la presse, mais je crois qu'il serait très étonné en voyant la presse actuelle. Parce qu'imaginez une feuille du temps de Théophraste Renaudot, c'était, je crois, des feuilles d'avis. Il n'y avait certainement pas aucun article d'opinion. Ça doit être quelque chose d'étrange que l'opinion dans l'au-delà de Théophraste Renaudot. La beauté. La beauté. C'est étrange comme la beauté me laisse tout d'un coup sans voix. Je ne sais pas pourquoi la beauté me laisse sans voix. Pourquoi ? Parce que je crois qu'elle est très rare, la beauté. Mais ceci dit, c'est pas grand-chose de dire que la beauté est rare. Qu'est-ce que... Non, mais la beauté... Ça ressemble à cette question sur la poésie. La beauté, c'est la poésie. Une personne belle, c'est une personne poétique. L'arbre. Ah, l'arbre, je crois que c'est la chose au monde pour laquelle j'ai le plus de respect. Parce que je le regarde, il est là depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans. Les jours de grand vent, il souffre. La semaine dernière, j'ai eu très peur pendant la nuit, il y a eu une espèce de tornade. Et j'ai été ramassé voir le lendemain matin combien de branches c'était pas. Et ce malheureux arbre a souffert, et c'est la puissance, c'est la montée, ce sont des tas de souvenirs. Et ça me rappelle une phrase... Très curieusement, une phrase de Jean Cocteau. Il disait « On m'a accusé dans ma vie d'avoir sauté de branche en branche. » Et il a dit « Oui, j'ai sauté de branche en branche toute ma vie, mais dans un seul arbre. » Et je crois que c'est peut-être le secret de la vie, de rester toujours dans le même arbre et d'avoir cette communion et les pieds profondément enfoncés en terre, comme le chêne que La Fontaine a indignement maltraité. La superstition. La superstition, oh ben ça je suis, comme Voltaire, c'est tout ce que je déteste. C'est horrible d'aller vers quelque chose de complètement ésotérique et obscur. Pour moi, j'aime les choses qui sont à la surface de la terre, ça je suis terriblement anti-mage, anti-astrologique. J'ai horreur de tout ça. Profondément. Charles Péguy. Ah, Péguy, pour moi, c'est... Nous avons la chance d'avoir une maison qui est en pleine campagne et nous voyons les deux peupliers de la tombe de Péguy. Ça, c'est un souvenir très personnel. Et nous avons planté deux peupliers qui regardent les deux peupliers de Péguy. Pour nous, ce sont deux arbres à l'horizon. L'amour. Pour moi, c'est la chose la plus importante du monde. Je ne peux pas exister une seconde sans amour. Et je suis entièrement tourné vers la personne que j'aime. Le voyage. Le voyage, c'est ce que je voudrais faire tous les jours. Pour moi, vivre, idéalement, ce serait vivre 6 mois par an à Paris, 6 mois par an à la campagne, 6 mois par an en voyage. Vous voyez que ce sont des années absolument terribles. Mais je peux... D'ailleurs, dans mes bouquins, je fais toujours partir les gens en 5 minutes, enfin sans bagage. Le voyage, c'est ça. C'est surtout pas préparé. Et pourtant, c'est très agréable de préparer un voyage. Mais je pars, ça a les mains dans les poches. J'aime bien ça. Mais on le fait pas souvent, ça. La justice... La justice, je suis contre. Non, mais la justice est absolument impossible à rendre. Je ne connais pas de spectacle plus pénible, j'ai assisté à quelques procès, que l'effort de tension honnête et sincère des jurés pour essayer de comprendre cet événement qu'on déroule sous leurs yeux et dont ils n'ont pas les moindres... Ils n'ont absolument que 2 facettes opposées. Ils ne peuvent absolument rien comprendre. Et ils doivent rendre... Moi, si j'étais juré, j'acquitterais toujours tout le monde. Enfin, c'est épouvantable. Ça serait peut-être une société très mauvaise, mais je dis qu'on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Mais j'ai pris le mot justice au sens répressif. On peut évidemment prendre la justice dans un sens beaucoup plus vaste, mais je n'aime pas beaucoup les idées générales. Les bijoux. Je n'aime pour ma femme, par exemple, que les bijoux anciens. Je n'aime pas les bijoux neufs. Un bijou neuf, c'est quelque chose pour moi d'un peu bête. C'est une pierre qui vient de sortir d'une mine, qui a coûté beaucoup de souffrance peut-être, qui est passée par des antres hollandais où on les a taillés à facettes. Il faut que le temps passe sur les bijoux et qu'ils prennent une espèce de poésie réelle. Le visage. Le visage... On est tenté de dire que tout est dans le visage. Et pourtant, dans la rue, je regarde énormément les gens. Je me promène beaucoup dans les rues. Et quelquefois, un dos, le dos de quelqu'un qui marche, est beaucoup plus révélateur qu'un visage. Parce qu'il y a le poids du corps, il y a toute une espèce de courbure qui ne se révèle pas toujours dans le visage, parce que le visage est habitué à feindre et à avoir des tics ou des défenses qu'il n'y a pas dans un corps. La voix. La voix. J'aime beaucoup les voix, je suis très sensible aux voix, puisque j'écoute souvent la radio, j'aime beaucoup la radio, et... D'ailleurs, je préfère la radio à la télévision, parce que la voix m'emmène dans un mystère très grand, que les visages me dérangent. Je trouve que la voix est une entrée dans le mystère très grande. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a des gens dont la voix... que la voix trahit. Et ça, je trouve, c'est une souffrance très grande. Il y a des gens, par exemple, des écrivains qui ont écrit des livres profonds, merveilleux, et qui ont une voix perchée, ridicule. Et c'est très douloureux d'entendre des voix qui sont tout à fait en déséquilibre avec l'être profond d'un être. Il y a des voix qui trahissent les êtres, et la voix devrait être l'expression profonde et belle de l'âme. Et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que je m'en méfie un peu, mais je suis très sensible aux voix. La gloire. Oh, la gloire, c'est très ennuyeux. C'est vraiment assommant. La gloire, ce n'est pas... C'est d'abord une chose affreuse, parce que, imaginez, quelqu'un qui est arrivé au fait de la gloire, il ne peut que se casser la gueule. Enfin, redescendre immédiatement, c'est absolument... La gloire est savonnée, enfin, c'est se maintenir et monter sur le fait. Il n'aspire pas du tout à descendre, il descend à toute vitesse. La gloire, c'est très embêtant. La vérité. Vérité, c'est merveilleux, la vérité. Je crois que les hommes sont très avides de vérité. Ils sont très niais et ils croient qu'ils vont la rencontrer. Les femmes ont moins le sens de la vérité. La vérité les ennuie. Elles savent que la vérité n'est pas une chose tellement importante et qu'il faut non pas composer avec, mais qu'il y a 36 vérités. Les hommes ont l'idée qu'ils vont toujours rencontrer la vérité, qu'ils vont la forcer, la débusquer. Je crois que c'est un peu naïf, mais j'aime beaucoup. L'argent. Ah, l'argent. L'argent, pour moi, c'est une chose... très commode, c'est tout. C'est-à-dire que j'aime ne pas le voir. Pour moi, le bonheur en argent, c'est de recevoir une facture, de la payer dans les 5 minutes et de ne jamais y penser. Surtout de ne jamais assortir l'argent de choses compliquées, d'emprunts, de banques, de trucs comme ça. L'argent, c'est une chose qui entre et qui sort et qui doit être absolument invisible, mais présent en plus grande quantité possible, mais invisible. Les histoires drôles ne m'amuse pas parce que, en général, elle m'amuse si une minute, mais je ne les retiens jamais. Et alors, quand j'essaie de les raconter, ça c'est absolument épouvantable parce que j'ai une mauvaise mémoire et on sent l'effort, ce qui est terrible. La maison. Ah, la maison, j'adore la maison. Sans maniaquerie, j'ai horreur qu'on fasse une recherche éperdue de... Il y a des gens qui vont chercher des boutons de porte extraordinaires chez des antiquaires, etc. Et puis ils vont... Ça, je n'aime pas cette recherche éperdue. La maison doit avoir une espèce de tendresse, de vérité. Mais j'adore m'en occuper. Je suis toujours en train de faire des choses, d'arranger. Mais quelquefois maladroitement. Mais c'est simplement, c'est de l'amour. Les animaux. Les animaux, je connais deux races d'animaux comme tout le monde. Je connais les chats et les chiens. J'ai eu beaucoup d'expériences chiens et beaucoup d'expériences chats. Je n'en dirai donc pas grand-chose parce que tout le monde connaît un peu. Enfin, on a dit Colette. Enfin, bon. J'aime mieux penser aux petites bêtes très humble, qu'on ne rencontre que écrasé sur les routes, ou en refermant ses volets, une misérable araignée, ou sortant de l'évier, ou sortant d'un lavabo, et qu'on replonge avec des grands flots d'eau parce qu'elle est vilaine et qu'elle a des pattes pelues. Bon, ce sont ces animaux-là qui sont un peu émouvants. Et je suis content de moi les jours où j'aime pas beaucoup tripoter les araignées, mais le jour où j'en attrape une et je la mets dehors pour lui éviter une mort affreuse. Ça, ces jours-là, je suis content. Le feu. Ah, le feu, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. On s'approche, on ruse avec le feu. J'aime bien faire du feu de bois. Alors, on attrape des petits bouts de bois qui ont encore un côté enflammé pour les replacer. Et on ruse. On sait que quand on aime le feu, on attrape les branches, on ne se brûle pas. Et j'ai vu des gens prendre vraiment des brandons dans leurs doigts, parce qu'ils ont les mains bien cornées, les rattraper et faire des grands feux en plein air. Et j'admire beaucoup quelqu'un de ma famille qui sait allumer le feu en plein hiver, sous la pluie et le vent. Et ça, je trouve, c'est un don prodigieux. Et je ne sais pas le faire, ça. Dominique Larrey. Dominique Larrey, j'ai habité dans sa rue. C'était un chirurgien de Napoléon, que Napoléon a fait baron, et qui, cet homme admirable, a coupé des milliers et des milliers de jambes, qu'il plongeait. Il plongeait ensuite les moignons dans la teinture d'iode. C'est abominable. Et pour moi, c'est peut-être l'homme le plus courageux de tout l'Empire. La danse. Ah, la danse, c'est une des choses qui m'est un peu refusée. Parce que, de nature, j'aimerais énormément danser, m'extravertir, sortir de l'enveloppe un peu, pas pesante, mais enfin un peu lourde qui est la mienne. Et d'un autre côté, je trouve que les hommes qui dansent ont un côté, les hommes européens et blancs qui dansent ont un côté un petit peu ridicule. Je n'aime que les noirs dansant. Ils sont tellement beaux, tellement vrais, tellement dans leur sens, dans le sens de leur nature. Nous, on est toujours un petit peu ridicule. Et je le regrette. La musique. La musique, je travaille beaucoup en musique. C'est un peu dommage, si vous voulez, parce que on devrait écouter la musique, on ne devrait pas travailler en même temps, mais j'ai besoin de ça. Et c'est comme un fond sonore. Mais alors, comme j'aime profondément la musique, à certaines heures, je l'écoute, tout pour elle, toute seule, bien sûr. Et elle agit beaucoup comme des médicaments. Quand on est déprimé, on écoute Beethoven. Quand on a envie de joie et de légèreté, on écoute Mozart. Ou quand j'ai envie d'être très vivant et très de mon temps, j'ai envie d'écouter du jazz très, très bon et très bien fait. Et ça, c'est très efficace, la musique. La nuit. La nuit, je dors. La nuit n'est pas mystérieuse pour moi. Je repousse toujours le moment de m'endormir parce que j'aime bien vivre. Mais la nuit ne me dérange pas, c'est une amie. La mort. Je n'y pense pas encore beaucoup, mais ça commence à venir. C'est une pensée qui n'a jamais été agressive, c'est-à-dire qu'elle ne m'interrompt pas au cours de la journée. Mais le soir, justement, avant de m'endormir, je ne m'endors presque jamais sans la pensée « qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Quel est le sens de tout ça ?» Après quoi, je m'endors parfaitement et dans les 10 secondes. Mais la dernière pensée est une pensée comme ça, un petit peu démolisseuse, mais qui doit être détruite au cours de la nuit, puisque je me réveille dans un état assez bon le matin. Et dernière question, Dieu. Dieu, je ne l'ai pas beaucoup rencontré. Je l'ai rencontré dans mon enfance, enfin, parce que j'ai eu une éducation religieuse, pas excessive, une éducation assez libérale. Puis j'ai eu une mystique, un côté mystique au moment de première communion, enfin, comme beaucoup d'enfants. Et puis je l'ai beaucoup perdu de vue parce que je lui reprochais beaucoup de choses. Il m'a paru très injuste, et puis après il m'a paru tellement injuste qu'il se défait, et enfin il n'existe plus beaucoup, et je le mets de plus en plus dans les états de la matière, et il s'est défait dans l'atmosphère pour moi, mais sans aucune agressivité. Je le vois disparaître, et pourtant à certains moments on en a un besoin terrible, mais il n'est pas là. C'était Paul Morand et Jacques Perry, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 19 avril 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.